va pas nous la faire à nous. Connais des femmes qui doco, seulement sur Instagram. En vrai tu la vois, tu cours après minuit. Y'a plus de cendrillon, premier de la classe. Seulement dans la vie, on va m'amérir. C'est d'avoir son pavillon, on m'a piqué, c'est pas d'occasion. Après ce que les vieux me m'ont dit, depuis que je perds, c'est plus des célibataires. On fait monter le chiffre des télos, moi n'ai pas Congo, je suis le fils de mon père. Grandir au bigot, t'as du faux niquer le game comme Escobar. Celui qui essaye de nous jeter l'œil, on va lui fermer de force en lui mettant un cancard. T'as quitté la ville sans un alibi, tu n'es plus des nôtres. C'est même plus la peine de revenir, ta go ne t'attend pas. C'est bien fait pour toi comme une mexicaine qui a voté Trump. Nous on ne se trompe pas jamais. Sous contrôle, tout est sous contrôle. Sous contrôle, la zone est sous contrôle. Tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Est sous contrôle, la zone est sous contrôle. C'est violent, c'est violent, énervé comme Charon. Je suis de la fin, proche du baron. Ici je viens de monter, personne doit séparer. On était qu'un méchant caché dans tout Paris. Dans tout des carrés, le gosse il est barré. J'assure la route de mon fils, je ne veux pas le laisser vendre du cannabis. Pisto, la pisto. Oh, c'est plus des barçons. Putain, me connais ton but, je suis dans le bendo, je fais des milliers par jour. C'est là le truc. T'as quitté la ville sans un alibi, tu n'es plus des nôtres. J'ai même plus la peine de revenir, ta gonne t'attend. C'est bien fait pour toi comme une mexicaine qui a voté Trump. Nous on ne se trompe pas jamais. Sous contrôle, tout est sous contrôle. Sous contrôle, la zone est sous contrôle. Carrément. T'as du regard, oui. Je les prends de vitesse, j'allume mon blunt. Je parfume la pièce, dans le CLS. Tout est sous contrôle, faire du sale, t'as du sale. Tout est sous contrôle, t'inquiète, ça te paiera. J'ai pas jalouse, elle sait que tout roule. À part si c'est Burgo, je connais la route. La semelle est rouge, on a mis le turbo. Tout est sous contrôle, faire du sale, c'est ça paiera. Tout est sous contrôle, t'inquiète, ça paiera. Yeah.